t'es pas intéressé à connaître quelqu'un avec lequel t'as pas un rapport direct. C'est quand t'as un rapport direct que c'est intéressant de connaître quelqu'un puis parler sur quelqu'un ou en relation avec quelqu'un, bouillant autour de quelqu'un, bouillant dedans de quelqu'un. Ou expliquer quelqu'un. Parce que quand la note est pas devenue avec le préparant, tu peux pas répondre avec la rendue des bancoires. C'est ça. Il faut nécessairement une interaction. Ouais. Ouais. Parce que moi, je suis pas intéressé au... Je suis pas intéressé à connaître le monde. Je suis pas intéressé à connaître lui ou à connaître elle. Seul. Au niveau de ma propre expérience. Je suis intéressé à l'année, lui a une vibration ou elle a une vibration. Mais moi, je suis pas intéressé à savoir. Je suis pas même chez nous et dire comment est-ce qu'il est telle personne avec moi. Je suis pas intéressé. Les gens pensent que je fonctionne de même. Je fonctionne pas de même. C'est quand je vous rencontre que ça se fait à l'affaire. Tu réponds à lui. Instantanément, dans l'expérience de relation. Ça, c'est une perte d'énergie. Quand je suis seul, je m'occupe de moi. D'expérience, d'ailleurs, ce qui était de penser à ses disciples quand ils n'étaient pas là. Ouais. Moi, je ne suis pas spirituel à ce point-là. Comme là, je rentre dans un cycle, là, dans ces rencontres-là. Je rentre dans un cycle où j'ai une plus grande liberté de parler. J'ai une plus grande liberté de parole. C'est vibratoire. C'est moins de souffrance pour le connaître. Hein? Il y a moins de souffrance pour le connaître. Au niveau de tes... C'est plus fun pour moi. Parce que les gens comprennent plus, là. Vibratoirement. On est moins pogné. Ouais, vous êtes moins pogné. T'es moins obligé de passer par les mots. Plus par la vibration. Ouais. Parce que ce que je dis, c'est pas facile à comprendre, mais c'est bien facile à comprendre. Comprendre intellectuellement. Ouais. Plus je suis libre de parler, mais plus j'enregistre de vibrations dans l'esprit des gens. C'est là que ça se fait, cette affaire-là. Mais là, je veux retourner à l'affaire de manipulation, tout à l'heure. Mais des fois, ils vont me faire dire manipuler les gens. Pour créer une petite vibration. C'est vrai? Mais quand ils coupent la parole, eux autres, Si vous m'aviez demandé d'ailleurs. Bon. L'intérêt vital. Je voulais savoir si y a quelqu'un qui va nous dire quel est notre intérêt vital ou si on doit la chercher ou si ça va venir tout seul quand on va... L'intérêt vital, c'est un peu comme une envie. Quand tu as l'envie... Tu y vas, puis quand t'as pas d'envie, tu y vas pas. L'intérêt vital, il y en a qui sentiront pas l'envie de ça. Voulez-vous donner des exemples d'intérêt vital? Un exemple d'intérêt vital, disons quelqu'un qui veut écrire. Il veut écrire, puis il veut écrire, puis il aimerait ça, il écrit. Il est pas capable d'écrire. Parce que pas le temps. Peut-être qu'il y a dans 6, 7, 8 ans, il va pouvoir écrire. Ça serait son intérêt vital. Ça serait son intérêt vital. Pour une période de temps. Pour une période de temps, oui. L'intérêt vital, c'est l'intérêt toujours... L'intérêt vital, ça change. C'est pour une période de temps. Une fois que tu rentres dedans, ça change pas. C'est fixe. C'est une période de temps dans le sens que ça va durer tant que tu vas être sur le plan matériel. Ça va servir à vivre, ça va servir... à travailler, à faire quelque chose que t'aimes, qui est plaisant, qui est dans ta vibration.